18-4, observation. Prononciation. Voyelle non distinguée. Écoutez. Idée. Vous remarquez que dans le mot idée, il y a deux voyelles, i et e. Chacune de ces voyelles est pure. Il n'y a pas de mélange, de passage d'un son de voyelle à un autre. Chaque son de voyelle est court, net et pur.